secours. Ma respiration s'étouffe lorsque je vis ça me dégoûte. Des rockman, j'en ai utilisé, mais pas toutes sont bien achevées. Maxilogue, j'y goûte. Mon destin, j'y touche pas. Là, j't'aboute, j'ai pas de bourse. Je repousse, on voit la